Des problèmes avec votre patron, une épouse casse-bonbon ou une simple journée de merde, venez rejoindre l'un des nombreux clubs de la Fédération Française de Joute Invective. Petite bite ! Connasse ! Espèce de peine mammouth ! La joute invective, une discipline où la France fait référence au niveau mondial. Putain, mais tu vas la bouger ta caisse, espèce de gros con ! Je t'emmerde, toi et ta dame qui te sert de femme ! La Fédération Française de Joute Invective, une association reconnue d'utilité publique, en passe de devenir discipline olympique en 2032. Viande de pigeon ! Fils de faute ! On avait dit pas les mères. Venez relâcher la pression grâce à la joute invective. Tocard. Ça va pas la tête ?